Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve non pas pour un nouvel épisode du podcast, mais juste pour un message. Je voulais vous dire merci. C'est grâce à vous que le podcast existe et qu'il continue à exister. Et j'ai juste un petit service à vous demander. Alors, pas de l'argent, hein, rassurez-vous. Hein, j'ai pas lancé un Tipeee. Voilà, j'ai pas besoin d'argent. Enfin, si, hein, j'ai une famille à nourrir, mais Dieu merci, c'est mon boulot qui me l'apporte. Ne vous inquiétez pas, c'est 100% gratuit ce que je vous demande. Mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur les applications de podcast qui vous permettent de le faire. Vous prenez pas la tête avec les 4 étoiles, 3 étoiles, 2, 1, 0. Mettez directement 5 étoiles. Ça fait du bien, tu vois. La personne qui reçoit les 5 étoiles, ça lui fait du bien. Vous aurez un sentiment d'accomplissement. Vous aurez fait du bien dans la vie d'une personne. Alors que peut-être que le reste du temps, vous faites que du mal. On se connaît pas après tout. Tu vois, alors ce qu'on va faire, mettez 5 étoiles et comme ça on se donne l'impression d'être des bonnes personnes, vous et moi. On fait comme ça, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, si vous êtes humoriste ou si vous connaissez des humoristes qui voudraient participer à ce podcast, envoyez-les sur mes réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je dis également YouTube parce qu'il y a une playlist galère d'humoristes sur laquelle je mets les vidéos, en fait, bien sûr c'est de l'audio avec une image fixe. Et comme ça vous pouvez laisser en commentaire voilà, un message ou quoi. Ensuite, si vous connaissez, ça c'est très important, si vous connaissez des pointures de l'humour, vraiment des personnes qui sont qui ont des grosses carrières, tout ça, qu'on pourrait penser inaccessibles mais qui souvent ne le sont pas, franchement, parlez-leur du podcast. Moi, ça me ferait super plaisir d'avoir Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Florence Foresti, Blanche Gardin, Malik Bentala, Kian Navo, Roman Frécinet, Farid, Kev Adams, Noman Hosni, voilà, tout ça. Vraiment, des personnes comme ça, là, je vous donne juste quelques noms comme ça, mais bien sûr, il n'y a pas de limite. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des personnes qui ont des vraies carrières, pas forcément que des débutants. C'était le but du podcast, en fait. C'était pas de faire un podcast qu'avec des débutants ou, à l'inverse, un podcast qu'avec des guests. Mon but, c'était vraiment de mélanger les deux parce qu'on est les mêmes en fait. On n'a pas les mêmes carrières, mais on a les mêmes galères. Ces personnes-là, elles ont peut-être eu, les personnes qui ont vraiment percé, tout ça, elles ont peut-être eu des galères dans leur passé, peut-être qu'elles en ont encore aujourd'hui, mais ce sera toujours intéressant de les écouter pour se marrer et pour que ce soit inspirant, vraiment, c'est très important. Donc si vous avez leur contact, parlez-leur du podcast, s'il vous plaît, et faites-leur écouter votre épisode préféré. D'ailleurs, profitez-en, si vous me laissez un commentaire, s'il vous plaît, dites-moi quel est votre épisode préféré. Voilà, vraiment, ça me fait plaisir de savoir ce que vous en pensez de tout ça. Et donc, faites-leur écouter votre épisode préféré et ensuite, peut-être qu'elles vous donneront l'autorisation de me communiquer un numéro de téléphone ou un mail avec lequel je vais pouvoir les contacter. Voilà, j'espère les rencontrer de toute façon, les personnes que j'ai citées et les autres, j'espère les rencontrer un jour ou l'autre. Mais si vous pouvez me faire gagner du temps, je vous en serai vraiment reconnaissant. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vais vous laisser. Alors, j'ai pas mis d'épisode là, évidemment, mais je me rattrape. Je vous promets, je vous balance l'épisode juste après. C'est celui de mon frérot Farid Amzian, qui était venu faire ma première partie à Bayonne, à l'After 8. On avait passé une super soirée et il m'a raconté des anecdotes. Vraiment, il m'a éclaté et je suis sûr que vous allez kiffer aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis et donnez-moi votre avis aussi sur le nouveau logo du podcast. On a mis un logo rouge qui a été fait par un infographiste. Le premier logo était vraiment fait à l'arrache. Hein. Moi, j'ai fait ça sur Paint. Voilà. Donc là, le nouveau logo, donnez-moi votre avis dessus. Il y en avait un bleu et rouge, un rouge, donc c'est celui qui a été retenu, et un vert, et les gens sur les réseaux sociaux ont massivement massivement voté pour le rouge, voilà, c'est plus simple comme ça. Désolé, hein, l'épisode, vous le voyez, c'est à l'arrache, hein, et c'est pas préparé ni rien, c'est vraiment brut de décoffrage sans montage, voilà. Donc, pour résumer, merci à vous, laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur les applis de podcast. Ensuite, si vous êtes humoriste ou que vous connaissez des humoristes qui veulent participer, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous connaissez des pointures, envoyez-les-moi s'il vous plaît. Vraiment, ce serait un honneur d'agrandir la visibilité du podcast. C'est comme ça qu'on va pouvoir le développer et augmenter l'auditoire. Et dernière chose, voilà, donc je vous laisse avec cet épisode-là. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.